est tellement merveilleux. Mungu wetu ni wa thamani sana. Je m'imagine comment nous serons quand nous serons chez nous. Ah, niko nakumbuka vile tutakuwa kwetu. Que Dieu bénisse tout un chacun qui a glorifié le Seigneur avec tout son cœur. Mungu abariki kila mmoja wetu, alimshukuru Mungu na moyo wake wote. Amen. Amen. C'est ma dernière prédication pour ce voyage parmi vous. Ini maubiri yangu ya mwisho mu safari yangu katikati yenu. Je remercie encore mon ami. Namshukuru tena rafiki yangu. Qui est mon collègue de service. Na jirani wangu wa kazi. Votre berger Pierre Ngoindaye. Mchungaji wenu Ngoi Pierre Ndai. Pour l'hospitalité à notre égard. Dieu a kunipokelea. Quand nous avons un poids sur le cœur. Quand nous avons un poids sur le cœur, nous proclamons ce voyage pour partager ces expériences avec nos bien-aimés. Est-ce que quand je vais retourner à Kalendagar, puis-je saluer les saints, vos frères et vos sœurs au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Et Dieu bénisse aussi mon frère José. Mungu abariki tena ndugu yangu José. Tous les diacres. Bashemashi bote. Les administrateurs. Bazamini. Notre cher choral. Na kwaya yetu. Mon interprète fidèle. Mutafsili wangu mwaminifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Sans tarder, veuillez honorer la parole. Bila ogawia, mheshimie neno la Mungu. Quand nous vous voyons nombreux dimanche, notre souci est que tout le monde quand même entende ce que nous sommes en train de dire. Kutaka kwetu ni ya kwamba kila mmoja apate kusikiliza ile tukunasema. Amen. Amen. Nous lirons nos deux écritures. Tutasoma maandiko yetu mbili. C'était trois. Ilikuwa ni tatu. Nous allons lire Acte chapitre 1er. Matendo ya mitume sura ya kwanza. Va faire un effort pour vous donner un peu la synthèse. Tutafanya nguvu tupate kuisema mufupi. Acte chapitre 1er. Matendo ya mitume sura ya kwanza. Verset 8 à 11. Mustari ya 8 hadi 11. Et Ephésiens chapitre 1er aussi. Na wa Efeso sura kwanza pia. Le verset 15. Mustari ya 15. Je peux me limiter au verset 19. Tasimamia kumustari ya 19. Et psaume 130 verset 5. Na mazaburi 130 mustari ya 5. On n'a pas changé de sujet. Atubadirishe shina ya mahubiri hapana. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'y venant sur vous. Alakini mutapokea uwezo, Roho Mtakatifu ile takuwa yulu yenu. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, même à Kambove. Mutakuwa washuda wangu ku Yerusalem, mu Yudea yote mzima, mu Samarie, na kufika na kumipaka ya dunia, kufika na Mukambove. Après avoir dit cela, il fit élever, pendant qu'il les regardait, et il nuait, les déroba à leurs yeux. Kisha kusema ile, akanyanyuliwe, akanyanyuliwa, wakati ile walikuwa na muangalia, na wingu ikamufunika kumacho yabo. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent. Sawa vile macho yao ilikuwa naangalia kumbingu, tazama kukawaonekania watu wawili wenye kuvala vyeupe. Edi. Na kusema. Homme galiléen. Watu wa Mgalilaya. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jia nini munasimamia tu kuangalia kumbingu? C'est Jésus. Uyu Yesu. Alléluia. Amen. C'est là que nous allons parler. C'est Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Toka katikati yenu na kwenda kumbingu atarudia munamu na moja ile munamuona kuenda. Ephésiens chapitre 1 verset 15. Sura ya kwanza. C'est pourquoi moi aussi, joko mana na mimi pia, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, kisha kusikiliza banasema kuhusu imani yenu, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, amipatie roho na hekima na ufunuo ndani ya ufamu wake. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Apate kuangazia macho yenu ya moyo ili mpate kujua ni tumaini gani yenye kuambatana na mwito wenu. Oh! La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Utajiri wa utukufu wake na urithi wake ule anachungia batakatifu bake. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Na ni nini bukubwa bwake basipo mipaka wa uwezo wake yenye kuonekanisha kwetu sisi kwa uwezo wake na kwa nguvu yake. Psaume 130 verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Que Dieu ajoute multiples bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Et je vous souhaite bon appétit les aiglons ce matin. Mes bien-aimés, mes très chers frères, l'espérance bénie des élus est notre thème que nous avons décortiqué toute la semaine. Tumaini yenye kubarikiwa ya bateule njo shina yetu ya mahubiri ile tulianza tangia mwanzo ya juma. Nous avons vu que tuliona ya kwamba notre Dieu, Mungu wetu, le Seigneur qui nous a adressé un appel particulier en ces temps de la fin, Bwana ule alituita mwito ya upekee mwi wakati ya mwisho, c'est un Dieu de promesses infaillibles. Ni Mungu wa malako yasipo kukotola. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. C'est un Dieu de promesses infaillibles. Ni Mungu wa malako yasipo kukotola. Notre Seigneur, Bwana wetu, ne fait pas de vaines promesses ni de fausses promesses. Afanyake malako ya bongo wala malako ya ovyo. Et tout son plan du salut na mapu yake yote ya est fondé uniquement sur les promesses. Inayengwa tu paka yulu ya malako. Alléluia. Amen. Et la foi des élus, na imani ya bateule, c'est une foi ancrée uniquement dans les paroles de promesses. Ni imani yenye kutiwa nanga paka tu mu maneno ya malako. Alléluia. Amen. Puisque nous-mêmes les élus, nous sommes l'accomplissement d'une promesse de la Bible. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous croyons dans Dieu qui fait des promesses infaillibles. Et nous avons reçu un prophète promis. Alléluia. Amen. Et nous avons reçu un enseignant promis. Nous dormons dans les promesses. Nous marchons dans les promesses. Alléluia. Amina. Et nous avons vu que s'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'espérance. Kama kuna malako, hakuna tumaini. C'est la promesse qui suscite l'espérance. Ni malako njo kuna lamusha tumaini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, njo kwa mana, pour les dimanchistes, nous relisons notre écriture de psaume 138. Mweba kuya paka siku ya muyenga, tunasoma tena Izaburi 133. Je célèbre, je te célèbre de tout mon cœur. Nakushangilia na moyo wangu wote. Psaume 138 verset 1 et 2. Zaburi 133. Je te célèbre de tout mon cœur. Nakushangilia na moyo wangu wote. Est-ce que vous les célébrez aussi? Eti na mungu namshangilia pia. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Naimba mimbo yako ya sifa muwepo wa Mungu. Je me prosterne dans ton saint temple. Mina inama mu hekalu yako takatifu. Je célèbre ton nom. Nashangilia à cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Kafumo yako inapanda kupitia kutimilika kwa malako yako. Amen. Amen. Et Paul nous a dit dans le Nouveau Testament. Paulo alituambia mwagano jipya. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Wa Korinto wa pili sura ya kwanza. À partir du verset 18. Kuanzia mstari wa 18. Aussi vrai. Que Dieu est fidèle. Paka vile Mungu ni mwaminifu. Croyez-vous que notre Dieu est un Dieu fidèle? Mnaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu? La parole. Neno. Que nous vous avons prêché. Ile tulimhubiri. N'a pas été oui et non. Haikukue ndio na. Car le Fils de Dieu est venu. Wani le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous. Wani mwana wa Mungu Yesu Kristo ule alihubiriwa kupitia sisi katikati yenu. Par Sylvain. Kupitia Sylvain. Par Timothée. Kupitia Timoteo. N'a pas été oui et non. Asiukue ndio. Mais en lui. Alakini ndani yake. Il n'y a que le oui. Mukupaka ndio. Car. Wani. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Kwa yenye kuelekea malako yote ya Mungu. C'est en lui que le oui. Nindani yake ndio. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Joko maana tena amena inatangaziwa kupitia sisi kwa utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs. Bapendo banduku na badada. Ce message. Hii ujumbe. C'est une promesse accomplie. Ni malako yenye kutimilika. Amen. Amen. Dieu avait promis dans Malachie 4. Mungu alilakaka Malakia sura ya 4. Moi Dieu. Mi Mungu. Des promesses infaillibles. Wa malako yasipo kutoka. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Mbele ya siku ya milele ifike. Moi Dieu, je vous enverrai. Mi Mungu tamitumiaka. Élie le prophète. Elia nabii. Alléluia. Amen. Branham n'est pas notre Dieu. Branham ana Mungu wetu. Branham c'est un prophète biblique. Branham ni nabii wa envoyé biblia. Par le Dieu de la Bible. Ule walituma kwa Mungu wa Mungu. Et toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu biblique. Est-ce que l'église peut dire amen? Promis pour le temps de la fin. Il ramènera le cœur des enfants à la foi de leur père. Les enfants là c'est toi et moi. Nous sommes dans la Bible. Amen. Ramenez à la foi de nos pères apostoliques. Et quand on avait demandé à frère Branham, qu'est-ce que la foi apostolique? Il a répondu, c'est la foi conforme aux saintes écritures. Alléluia. Ce que nous nageons dans les saintes écritures. Frère Branham n'est pas un prophète en dehors de la Bible. C'est pourquoi la vraie épouse de Christ, les élus, ont la foi dans les écritures. Ce qui n'est pas écrit dans cette Bible, nous ne plaçons pas la foi là-dessus. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères, notre Dieu a juré. Mungu wetu alilapa. Je suis un Dieu qui dit et qui accomplit. Niko Mungu ule kunasema na kuitimiza. Moi je ne peux pas mentir. Nishiwezi kulongofia. Les hommes peuvent mentir. Bantu banezu mais pas notre Dieu. Mungu wetu hapana. Toutes les promesses de Dieu, malako yote ya Mungu, de la Genèse à l'Apocalypse, s'accompliront avec fidélité. Chaque promesse a son temps. Kila malako. Croyez Laisse là, frère. Dieu n'est pas un homme pour venir s'excuser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé de la foi des élus. À cause des promesses, nous avons une espérance qui est bénie. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit dans la prédication sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Vous aimez qu'on lise? Au paragraphe 26, il dit: je suis si heureux qu'en ce jour où nous vivons maintenant, malgré l'obscurité et les ténèbres de tous côtés, il semble y avoir une espérance bénie attachée au cœur du peuple de Dieu, selon laquelle, à un certain moment glorieux, Jésus viendra. Alléluia. L'espérance bénie qui est attaché au cœur des élus maintenant, c'est la seconde venue du Seigneur. C'est le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une promesse faite par le Seigneur. Il a dit dans Jean 14, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Moi, je ne suis pas menteur. Alléluia. Amen. Et la foi des élus est basée sur les paroles infaillibles des promesses. C'est pourquoi Paul dit à Tite, Tite chapitre 1, Tito, sura ya kwanza, est-ce que l'église vous aimait ça? Kanisa munaipenda? Il dit à partir du verset 1er, Paul, Paulo, serviteur de Dieu wa Mungu, et apôtre de Jésus Christ, na mutume wa Yesu Christo, pour la foi des élus de Dieu. Juu ya imani ya bateule ba Mungu. Est-ce que les élus de Dieu sont là? Les élus de Dieu ont la foi des élus. Bateule ya Mungu veko na imani ya bateule. Et nous avons vu que la foi des élus est ancrée dans les promesses de Dieu. Imani ya bateule inatiwa nanga mu malako ya Mungu. Et la connaissance de la vérité ya ukweli, qui est selon la piété, yenye kuwa kufuatana na utawa, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, yenye kupumujikia yulu ya tumaini ya bujima wa milele, promise yenye kulakiwa avant tous les siècles, mbele ya miaka yote, que le Dieu par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. Amen. Par le Dieu qui ne ment point. Kwa Mungu la shilandake. Il a fait des promesses. Arifanya malako. C'est la vérité. Libya kweli. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, nous les élus de Dieu, sisi bateule ya nous ne ballotons pas. Atuwayewaya pana. La foi des élus. Imani ya bateule. Et basé sur les promesses. Et les promesses de Dieu engendrent en nous l'espérance. Amen. Amen. L'espérance qui est bénie. Puisque le Dieu qui a fait les promesses, c'est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Frère, Nduku, le retour du Seigneur kurudi kwa Bwana est une promesse principale qui est le thème principal pour l'église de la nouvelle alliance. Ni malako ya musingi yenye kwa injili ya musingi ku kanisa ya agano. Vous avez compris? Munaelewa? Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de promesses. Mais l'unique promesse qui était le thème principal pour tous les prophètes, les patriarches, bababu, tout le monde, bote, c'était la venue du Messie. Vous dites amen. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est déjà accomplie. Le Messie est venu. Masia anesha kuja. Il a accompli l'œuvre du salut kazi ya et les résultats na matokeo. Voilà les résultats. Après avoir livré sa vie en sacrifice, kisha kutoa bujima mwake sawa sadaka, il verra une postérité. Ataona uzao. Et la postérité là. Na uzao ile. Ni mwenye, ni sisi. Alléluia. Amina. Mes bien-aimés frères, Jésus est déjà venu, il a accompli le salut, et aujourd'hui nous sommes dans ce salut. Alléluia. Amen. Nous sommes les résultats. Mais dans le Nouveau Testament, la promesse principale, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et laissez-moi déclarer, s'il n'y avait pas la promesse de la seconde venue du Seigneur, ce message du temps de la fin n'avait pas sa raison d'être. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. C'est la vérité. Nikweli. Je vous dis frère, s'il n'y avait pas la promesse de la seconde venue, kama kukwe malako ya kuja kwa pili kwa Yesu, le message du temps de la fin n'avait pas sa raison d'être. Ya wakati ya mwisha, kungekuwa na mafa yayo. Et je reprends encore, na isema tena, tout celui qui prêche déjà que Jésus est déjà venu, ya kwamba Yesu anesha kuja, il n'est plus dans le message. Ana tena mujumbe. Amuichika, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je répète. Mina isema tena. Ce message. Ujumbe, du temps de la fin. Ya wakati wa ce mwisho, message biblique. Hii ujumbe ya umbiblia. N'avait pas sa raison d'être. Haikupashi kuwa na maana. N'avait pas la promesse de Jean 14. Kama ukukwe malako wa Yohana 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la teneur du message que Dieu a donné à William Branham? Laissez-moi vous dire que ce n'était pas le message de Branham. C'est le message de Dieu qu'il a donné à Branham. Alléluia. Amen. C'est par erreur que les gens disent dans cette Bible qu'il y a la loi de Moïse. Moïse n'a jamais eu la loi. C'était la loi de Dieu qu'il avait donné à Moïse. Parce que Jésus dit amen. C'est par erreur que les gens disent oh, la pluie de Noé. Oh, mvula ya Noa. Noé n'a jamais eu de pluie. Noa chukwe na mvula yake. C'était la pluie de Dieu. Il avait fait pleuvoir au temps de Noé. Et ce message du temps de la fin n'est pas le message de Branham. C'est le message de Dieu qu'il a donné à Branham. Frère Branham était le porteur de message. C'est pourquoi nous l'appelons William Branham le messager. William Branham mujumbe. Alléluia. Amen. Puisqu'on lui avait confié message. Et à la rivière Ohio. Dans cette génération. Alléluia. Amen. Réjouissons-nous des choses de notre temps. Frère, notre Dieu n'est plus dans l'histoire. Notre Dieu, c'est un Dieu réel. Il est le Dieu d'actualité. Le Dieu qui avait parlé à Abraham. Le Dieu qui avait parlé à Moïse. Le même Dieu là Mungu moya moya a parlé unde dans cette génération. À la rivière Oyo, Wembe était en train de baptiser. Wembe alikuwa na batiza. Il ne baptisait pas les gens au nom de Branham. Ashukwe na batiza batu mujina Branham. Il baptisait les gens dans un grand nom. Mujina mkubwa. Le nom tout puissant. Jina ya uwezo. Le nom de notre rédempteur. Jina ya mkombozi wetu. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Et quand il plongeait. Wakati alitumukiza. Arriva la 17e personne. Ufika pa mtu wa 17. La voix se fit entendre. Sauti kasikilikika. Lève les yeux. Quand il lève les yeux, la lumière est descendue comme une étoile. Frère, nous prêchons un Dieu surnaturel. Le Dieu de ce message, c'est un Dieu surnaturel. C'est un message surnaturel. Même si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. C'est un message qui fait des grandes choses. C'est pourquoi nous chantons. Même si je ne comprends pas d'autres mots, mais je retiens quand même les mots sangalale. Je sens que c'est la joie. Sangalale. Alléluia. Kusangalale yeni. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Puisque Dieu nous a consolés. Quand même j'ai compris un mot. Kusangalale. Ufurai. Ufurai. Amen. Tuchongomoka. Réjouissons-nous. Puisqu'elle nous dit ça. Réjouissons-nous. Puisque Dieu nous a fait grâce. Nous voilà ta foi à Néma. Frère, Duku. La voix se fit entendre. Sauti moye kasikilikika. Comme Jean-Baptiste. Paka vile yono baptisaji. A été envoyé. Ali tumwa. Comme précurseur. Sawa mutangulizi. De ma première venue. Wakuja kwangu kwa kwanza. William Branham. William Branham. Je t'ai confié message. Na wena kupatia ujumbe. Le message. Ujumbe. Qui préparera. Ile tatarisha. Les élites. A la seconde venue. Wakuja kwake kwa pili. Frère. Duku. C'est pourquoi Branham est mort. Joko mana Branham alikufa. Le message. Ujumbe. Continue à préparer le coup. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. Dieu nous a visités. On n'est pas dans des choses montées de toutes pièces. Un message surnaturel. Un prophète confirmé par la colonne de feu. Alléluia. Amen. Je vous dis qu'un prophète confirmé. Un message confirmé. Par le Dieu surnaturel. Wa Mungu wa kiro. Le Dieu qui a confirmé le message. La il le confirmera même ce matin. C'est un Dieu surnaturel. Mungu wa kiro. C'est vrai. Bia kweri. Et il a commencé à proclamer le message. Akaanza kutangaza ujumbe. Le message en lui ujumbe yon, ndani yake est contenu dans le sept sceaux. Iko na patikana mu mamiuri saba. Amen. Amen. Frère, Nduku. Mais les sept sceaux ont été prêchés quand? Mamiuri saba irubiriwa wakati gani? Ce même Dieu. Uyo Mungu moya moya. Écoutez ce qu'il fait. Musikie kile kona fanya. Après avoir parlé en 1933. Kisha kusema 1933. Arrivé le 28 février. Kufika le 28 février. 1963. 1963. De 33 à 63. 1933 kufika 1963. 30 ans plus tard. Miaka makumi tatu kisha. Alléluia. Amen. Le même Dieu. Mungu moya moya. À la montagne du soleil couchant. Kumulima ya kule ya kunangukia jua. Non mamu yetu si. Ah, c'est ça notre problème. Alléluia. Amen. WMP. William Branham. Était accompagné par des témoins. Dieu ne fait pas de choses sans témoins. À la rivière Oyo, il y a eu des témoins. À la montagne Saint-Seth, il y a eu des témoins. Il y avait Bang Sehoudes et Frère Sotman. Ils étaient à la chasse. Frère Branham, Branham les a dit, Akabambia. Toi tu parles comme ça. Où on est d'ailleurs. Toi, tu parles comme we ça. We Dave. Moi, je vais escalader la montagne. On cherche le sanglier. Tutafute ba hein? Hein? Le quoi, le Banyama. Yeah. Bangulube ya pori. Bangulube ya pori. Alléluia. Amen. Pendant que WMB monte sur la wakati montagne. William Branham alikuwa anapanda pa mulima. Frère. Duku. Il a senti une des grandes déflagrations. Akasikia uwezo mkubwa. Kapata mkubwa. Comme si quelqu'un tirait sur lui. Inakuwa sawa mtu alimpika risasi. Alléluia. Amen. Au même instant. Il s'est retrouvé entouré dans une constellation de sept anges célestes. Frère, la notion des anges bibliques, c'est la vérité. Notre Dieu dit, chacun de nous ici est visité par les anges. Mais la vie des péchés empêche nos yeux à voir. C'est la vérité, frère. Et au même instant, il fut soulevé, pas enlevé. Puisque les faux frères interprètent mal. Ils disent que Branham était enlevé à notre place. Vous nichiquez bien. Écoutez-moi bien. Il dit ceci. Il fut transporté, soulevé, au milieu de la constellation de cet ange. Alléluia. Amen. Et le septième ange, na ule malaika wa saba, céleste, wa kumbingu, a parlé avec le septième ange, akaongea na malaika wa terrestre, saba, wapadunia, puisque Frère Branham, Nduku Branham, il est le septième ange, ni malaika le wa saba, septième étoile, dans la main droite du Seigneur. Mkono wa kuume ya Bwana. le septième ange céleste, malaika wa saba wa kumbingu, il parle au septième ange terrestre, anaongea na malaika wa saba wa dunia, de la part de Dieu tout puissant, wa upande wa Mungu wa uwezo wote. Mwe Mungu nasema ke Branham ni Mungu. Vous vous dites que Branham est Dieu. Les anges ont dit à Branham, nous venons de la part de Dieu tout puissant. Wa malaika ba mwambia Branham, sasa tunatokea kwa upande wa Mungu wa uwezo wote. Pour te donner un message. Dieu a kupatia ujumbe. Quel est le message? Ujumbe ni nini? Retourne à Jeffersonville. Urudie ku Jeffersonville. Le moment est venu. Wakati sasa inafika. Où l'agneau. Ile mwana kondoo. L'agneau. Mwana kondoo. L'agneau. Mwana kondoo. Va briser les sept sceaux. Miuri saba. Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, ce n'est pas Branham, Aina Branham qui a brisé les sceaux, c'est l'agneau qui a brisé les sceaux, et l'agneau, c'est le Seigneur Jésus Christ. Il n'a pas brisé les sceaux à la montagne Saint-Sainte. Ashikufunja miuri kuile mulima Saint-Sainte pa. Ce qui est arrivé à la montagne. Ile ilifika kwa mlima. On lui a donné seulement le message. Alimpatia tu ujumbe. Ale retourne. Ya kwamba urudie. Alléluia. Amen. Branham on l'a ramené sur la montagne. Branham wakamrudisha pa. Il s'est retrouvé tombé. Akajikuta mwenye kuanguka. Il n'avait plus de force. Asikuwa tena na nguvu. Le surnaturel. Mambo ya kiro. Frère et soeur. Nduku na dada. Le surnaturel fait faire l'homme ce qu'il ne peut pas faire. Bitu, normal. Bitu ya kiro biku na fanshisha mutu bila uwezi kufanya wakati yako tumu. Et frère Branham dit. Na nduku Branham anasema. Dans une église où les gens ne croient pas dans le surnaturel, Mukanisa, le surnaturel n'agira pas. Mini bitu ya kiro, bitu ya kiro habita tena. Que l'église dise amen. Si vous croyez que Dieu est surnaturel, il sera des choses. Il commence Ananza à descendre la montagne. Kushuka mulima. Frère Bank Soud se vient. Duku Bank Soud akakuja. Frère Sotmane. Duku Sotmane naye akakuja. Frère Branham. Duku Branham. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ni mambo kani nafikia, ni mambo kani. Est-ce qu'on t'a tiré? Eti bana kupika lisasi. Non. Hapana. Mais qu'est-ce qu'il y a d'arrivé? Sasa ni nini nafika? Frère Branham leur dit, c'est ça. Duku Branham akabambia. C'est ça quoi? Ni njo ile. Ni nini ile? Oui, c'est ça. Njoo yenye ile. Dieu m'a dit. Mungu ananiambia. De retourner à Jefferson. Nirudie ku Jeffersonville. Car l'agneau. Kwani mwana kondo. Va briser le sceau. Atenda kuvunja miuri. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un âge prophétique. Tuku mukizazi kya unabii. Nous sommes un peuple prophétique. Tuku mukizazi ya unabii. Je vous dis cela pour que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. Nuna niambia jumu yu asema muna bantu bote. En croyant ce message, frère, tu es déjà béni. Unesha barikiwa tu. Dites amen. En croyant ce message, tu es déjà béni. Unesha barikiwa. La vérité, frère. Ni kweli nduku. Les restes vont suivre après. Je suis un homme. Ni j'ai des faiblesses. Ni j'ai des erreurs. Ni mais la grande chose. J'ai écrit l'actualité. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Toi, tu crois que c'est facile? Tu crois ce message? Même toi, tu ne comprends pas comment tu y arrives. Monsieur, c'est toi qui insultais Branham, non? Monsieur, c'est toi qui insultais ce message. Mais comment tu es venu ici? Puisque Dieu t'a connu avant la fondation de la monde. Alléluia! Monsieur José, José, aujourd'hui tu es frère, c'est toi qui combattais ce message. Un ennemi ne se perdra jamais. Un ennemi, il a la foi dans les paroles de promesse. Puisque tu es fils de la promesse. Alléluia. Amen. Frère, Nduku, frère Branham est retourné. Nduku Branham a rudia. C'était fini. Kurimalizika. Les anges sont retournés de dans la gloire. Ba malaika banarudia. Je vous amène quelque part. Parce que frère Branham a dit, l'espérance bénie de la foi. Tumaini yangu barikiwa ya imani. Jésus aujourd'hui. Yabateule leo. C'est la seconde venue du Seigneur. Nikuja kwa pili kwa Bwana. Est-ce que Jésus est-il déjà venu? Eti Yesu anesha kurudia. Il y a des aventuriers partout. Kuku bafanya michezo fashi yote. Et toi aussi tu trembles. Naona tetemeka. Dieu vous a placé dans de bonnes mains. Mungu alimweka mikono ya Mungu. Dieu vous a donné de bons conducteurs. Mungu alimpatia viongozi vizuri. Garde dans la vérité. Yenyewe michunga. Soutenez les frères. Mubasaidie. Soutenez la vérité. Mimi nashikamisha ni ukweli. Et quand nous venons en voyage missionnaire, wakati tunakuja msafari ya kupasha habari njema, hatukua kuhubiri vitu vipya. La parole est déjà prêchée. Neno la Mungu manesha yuhubiri. Nous venons seulement vous rappeler. Tunakuwa tukumbikumbusha. Soutenir la vérité que vous avez déjà. Mushikamisha ile ukweli Mungu nayo zamani. Que vous soyez content que mufurahi ya kwamba. Quelque part là, kalendaga. Hashi fulani ukalendaga. Il y a des frères qui partagent la même foi que nous. Kuku banduku bale tuku nabo imani moja. C'est pourquoi Paul dit. Ndoko maana Paul anasema. Et il a entendu parler. Kisha kusikiliza beko na sema. Foi. Alléluia. En Jésus Christ. Et de votre amour pour le tous les saints. Je ne cesse pas de prier pour vous. Pierre Ngoyenda. Je ne cesse pas de prier. Frère José, je ne cesse pas. Je prie pour cette église. Faisant mention de vous dans mes prières. Et je dis quoi dans mes prières? Oh Dieu, ouvre les yeux du cœur de mes frères qu'ils comprennent quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. On n'est pas venu pour rester assis dans les chaises. Il y a une haute vocation. Yulu sana. Un jour, il y aura un voyage. Utakuwa safari. Pas perdre les États-Unis. Hapana kwenda kwa Amerika. Lakini safari. La gloire. Ya kuenda mtukufu. Ya la Jerusalem celeste. Mungu Yerusalemu mpya. Une ville où il n'y a pas de cimetière. Muji mula hamuna tuburi. Une ville où il n'y a pas de tombeau. Muji mula hamuna makaburi. Une ville où il n'y a pas les hôpitaux. Muji mula hamuna mahospitali. Ile muji hapa. Montre-moi une ville où il n'y a pas les hôpitaux. Unionyeshe kwa muji mula hamuna mahospitali. Alakini kwetu, kwetu kule. Pas d'hôpital. Hakuna mahospitalo. Chez nous. Kwetu kule. Comment y aura les hôpitaux? Namna kani kwetu mahospitalo. Puisque nous-mêmes qui y allons. Juu shibenye benye kwenda kule. Nous serons de nouveau corps. Tutakuwa na mili bipia. Des corps glorifiés. Mili ya utukufu. Des corps qui ne tombent pas malades. Mili ya inukulake. Jésus Christ est dans ce corps aujourd'hui. Jésus Christ est comme il est mwili leo. Mwili ya utukufu. Il a les plaies. Eko na vidonda. Mais qui ne pourrissent pas. Alakini ya biozake. Il a le sang. Eko na damu. Qui ne sèche pas. Ila ikaukake. Dans ce corps là. Mwili. C'est là que nous aspirons. Jo mule na shitu mwili. C'est une espérance. Jo tumaini yetu. Frère, Nduku. Quand les anges retournent, wakati ba malaika wairudia, c'était des archanges. Barikuwa ni ba malaika bakubwa. Puisqu'ils avaient des ailes. Juu barikuwa na mabawa. Les anges normal n'ont pas d'ailes. Ba malaika ba kawaida bekalake na mabawa. Mais aller retour. Alakini mukurudia kwabo. Ils ont laissé les nuages surnaturels. Bariacha wingu ya kiroho. Est-ce que vous n'avez pas? Il y a une photo. Picha nuage, même les techniciens. Ataba fundi, ah, le wingu. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Jumbe, alléluia! Et le païen. Na wapagano. Pas de chrétiens. Hapana ba Kristo. Ils ont photographié. Bakabamba picha ya ile wingu. C'était pas de croyants qui ont photographié. Abakwe ba minifu bale ba rimamba ka picha ile wingu. Ils ont messieurs. Ndio pale tu nasema hivyo. Que c'est le retour du Seigneur. Munasema kama ni quand Jésus reviendra. Wakati Yesu atarudi. Pour la deuxième fois. Ndio mara ya pili. Les païens peuvent le voir. Eti ba pagano batamuona. Les païens ont pris le feu. Bapagano bakabamba picha ile wingu ya kiro. Douglas tukumbia kweli. Douglas, nous sommes dans la vérité. Et quand ils ont pris des photos. Wakati barewamba picha ile wingu. Cette nuage, ce nuage est resté jusqu'à vers 19h, il éclairait Tixon. Juu ile wingu ilibakia kufika na magharibi kunaangazia ku Tixon. Et les gens ont pris des photos. Na bantu bakabamba mapicha. 2 mois plus tard. Miezi mbili kisha. Amen. Amen. Un frère amène cette photo à William Branham. Nduku moya kamuletea hii photo nduku William Branham. J'ai dit 2 mois plus tard. Miezi mbili kisha. Si c'était la seconde venue. Kama ilikuwa sasa njoo kuja kwa pili kwake. Comment Branham ignorait que Jésus est déjà venu. Namna gani Branham ashikuyu asema Yesu anaisha kuja. L'église dit amen. Amen. Et quand Branham prend la photo, wakati Branham arrivait avec les pictures, la voix intérieure lui dit, sauti ya ndani kamwambia, c'est Dieu qui lui parle. Ni Mungu akamwambia, tourne la photo de droite à gauche. Ugeuze picha. Quand il tourne la photo, wakati anageuza, voilà l'image de Jésus. Oh, picha ya Yesu ina. Voilà les yeux de Jésus. Macho ya Yesu ina. Voilà le nez de Jésus. Voilà la barbe de Jésus. Via Yesu kaonekana. Il était dans la forme glorifiée, telle que Jean l'avait vu, marchant au milieu de cette chandelier. Alléluia! Frère, Nduku, ayant vu cette photo, kisha kuona ile picha, Branham n'a pas dit que c'était la venue du Seigneur. Branham a chikusema sema ilikuwa njo kuja kwa pili kwa Bwana. Hapana. Amen. Amina. Le 28 février 1963. Le 28 février 1963. Amen. Amina. Quand Branham lui se met à la chair. Wakati Branham ya simama kumimbari. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il déclare le 3 juin 1963. Pourquoi pas? Êtes-vous ici? Le 3 juin 63. Le 3 juin 1963. C'est-à-dire 3 à 4 mois plus tard, après cet événement. Je vous dis d'abord une chose. Jésus, quand il vient, il y a le préalable de sa venue. Amen. Amen. Premier préalable le plus capital. Comment Jésus pouvait venir avant que le sceau soit prêché? C'est dans les 7 sceaux qu'il y avait la nourriture de l'épouse. Mais le 28 février, les sceaux n'étaient pas encore prêchés. Les sceaux ont été prêchés au mois de mars. Mon ami, c'est du 17 au 24 mars. 17 au 24 mars. Comment Jésus pouvait venir avant qu'on donne à l'épouse même le matériel pour le préparer? Voyez. C'est pourquoi Branham dit, gardons-nous le Lanuela. Branham dit à cette date, paragraphe 50, de même aujourd'hui, lorsque vous voyez son œuvre, maintenant, nous avons déjà vu et nous sommes témoins de l'apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous l'apparition et la venue sont des mots différents. Que l'Église dise amen. L'apparition et la venue sont des mots différents. Il apparaît et ensuite il vient. Maintenant, ce que vous voyez, c'est l'apparition. Il est déjà à Paris dans les derniers jours. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il est en train d'apparaître dans son église. Dans la forme du Saint-Esprit, je saute un peu. Ainsi cela est l'apparition du Seigneur. Rappelez-vous maintenant, il est dit à tous les deux endroits, apparition et venue sont deux choses différentes. Et l'Église dit amen. Son apparition, le signe de sa venue, n'est pas sa venue. Est-ce que l'Église dit amen? Amen. Veuillez manifester si vous comprenez. Pourquoi? Il y a 3 venues. Première venue. Jésus est venu payer le prix. Nous allons en parler. Il a payé le prix. Le sang. Le prix du sang. Il a donné la dot. Gloire à Dieu. Et le prix qu'il a payé, ce n'était pas le message. C'était le sang. Le message n'est pas le sang. Le sang, c'est le prix payé. Le message, c'est la parole qui nous prépare à la seconde venue du Seigneur. Oh, nous sommes bien posés. La deuxième venue, Jésus viendra pour nous prendre. C'est l'enlèvement. On ne peut pas séparer La seconde venue de l'enlèvement. La seconde venue de l'enlèvement, c'est la même chose. Hawezi kutenganisha kuja kwa pili na kunyanyuliwa. Kunyanyuliwa na kuja kwake kwa pili ni kitu kimoja. Et la troisième venue. Na kuja kwake kwa tatu. Il viendra comme roi. Atakuya kasawa mfalme. Il ne viendra pas seul. Atakuwa peke yake. Il viendra avec son épouse. Atakuwa pamoja na bibi yake harusi, ni wewe na mimi. Comme reine. Sawa malkia. Pour faire quoi? Pour régner pendant le millénium. Oui, frère. Quand le mari est élevé, même sa femme, comme Jésus est roi, sa reine règne avec lui dans son royaume. Nous serons la première dame. Dans le millénium, nous serons la première dame. Oui, Chike Ukatale, nous serons la première dame. Alléluia! Frère, ce sont des promesses glorieuses. Et nous avons l'espérance. Et frère Branham dit, la seconde, la première venue est déjà passée. Mais la seconde venue, c'est ce que nous attendons. Là, je vais lire encore une déclaration du prophète. Le berger du troupeau. Prêché le 3 avril 1956. Paragraphe 9. Le berger du troupeau. Pas le frère du troupeau, mais le berger du troupeau. C'est une fonction. Est-ce que l'église vous dit amen? Amen. Le berger du troupeau. Il dit ceci. Voyez, dans la Bible, toutes choses vont par trois. Nous avons cela. Nous savons cela. Tunajua ile. Il y a trois venues du Seigneur. Huku kuja kutatu kwa Bwana. La première venue kuja kwa kwanza est passée. Kunesha pita. Sema amen. Amen. La première venue est passée. Kuja kwake kwa kwanza kuisha pita. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Kuja kwake kwa pili ni kunyanyuliwa. Lorsque nous les rencontrerons. Wakati tutakutanishana naye. Et la troisième venue, na kuja kwa tatu, c'est lorsqu'il vient pour gouverner. Ni wakati yuko na kuja régner pendant 1000 ans. Utawala kadiri ya miaka 1000. Bizuri kabisa. C'est très beau. Ce sont les choses que les dénominations ne connaissent ni pas. Ni vitu vile ba mazebu abajue. Comme le chiquier Mazebou, il n'a pas ce que j'aime ma frère rétrograde qui n'ont pas progressé avec nous. Si vous entendez les dénominationnels parler de ces choses, ce sont des frères rétrogrades qui vont dans les dénominations pour aller parler de ces choses. Nous sommes les oiseaux des autres plumages. Si, tukubandeke bamarangia kwa chana. Nous sommes les aigles. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tout ce que nous faisons se conforme aux écritures. Ile yote tukunafanya na mbatana nos cantiques, notre manière de nous habiller, tout se conforme à la Bible. Yote binabatana na maandiko. Amen. Amen. Munashikia? Avez-vous compris? Il y a combien de venues? Kukukuja kungapi? Kuja kutatu. Mais parmi les trois venues, katikati yale kuja tatu, il y a un seul retour. C'est ce que nous attendons. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Et nous avons dit que tuliona ya kwamba le Dieu qui a promis son retour, Mungu alaka kurudi kwake, il reviendra. Atarudiaka. Sans faille, il va revenir. Bila kukotola, atarudia. Dites amen. Amen. Il va revenir. Atarudia. C'est une promesse réelle. Ni malako ya kweli hakika. Frère et sœur. Nduku na dada. Frère Branham donne ceci. Nduku Branham anasema hivi. Pour comprendre que tu as kuelewa ya kwamba ne venez pas nous dire oh je suis allé à Lubumbashi. Mushikwe kutuambia oh milienda ku Lubumbashi. Maintenant j'ai compris que Jésus est déjà venu. Hapa sasa mimi naelewa sema Yesu aisha rudia. C'est faux. Ni bia bongo. Amen. Amen. Dans la prédication, un homme qui fuit la face de l'éternel. Ils disent que nous ne lisons pas, ils mentent. Un homme qui fuit la face de l'éternel. Je précise la date. Le 17 février 65. Le 17 février 1965. C'est pour vous certifier que l'événement qui a eu lieu, cette photo du n'était pas le le retour de Jésus. Ile maandamano ilifanyika. Hii picha ya wingu. Si museme kwa amen, nishikie bien. Amen. Museme tena amen. Amen. Ce n'était pas la venue du Seigneur. Akukuye kuya kwa Yesu apana. Pourquoi? William Branham lui-même en 65, c'est l'année de sa mort. William Branham ye mwenye 1965 njo mwaka ile alikufa. Au mois de février. Mwezi ya février. Frère Branham est mort au mois de... Donc Branham a recouvert mois de décembre. Il faut mouiller les membres, frère. Il faut connaître ces choses. Il faut connaître ces choses plus que ta date de naissance. Il n'a pas su bidjo kushindi ata siku ile ulizaliwa. Dis-moi avant sa mort. Uniambie mbele ya yeye kufa. Dis-moi. Miezi kumi kisha mbele ya yeye kufa. Mbele ya yeye kufa. Au mois de février. Mwezi ya février. Est-ce que vous m'avez bien compris? Est-ce que vous m'avez bien compris? Au mois de février 1965. 1965 mwezi ya février. Lui est mort au mois de décembre. Yari kufa mwezi ya décembre. Mais au mois de février, écoutez ce qu'il dit à l'épouse. Sasa mu février msikie kile anasema na bibi. Paragraphe 80. Nukta ya makumi. Un homme qui fuit la foi de l'Éternel. Mtu mwenye ukimbia uso wa milele. Je veux que vous disiez amen. Ninapenda mseme amen. Il dit et la responsabilité. Anasema na mujito. Que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est d'apporter ce message. Et comme je prends de l'âge, et je sais que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus que jamais. Ouembe, comme prophète, il sentait que il est déjà sur la route de départ. William Branham sawa mtume wa Mungu anajua sema yuko déjà munjia kurudia. Yuko nasema yemo. Il est dit lui-même. Il dit. Anasema. Je ressens. Mimi nasikia. Que mes jours raccourcissent. Ya kwamba masiku yangu inakuwa mfupi. Je ressens. Mimi nasikia. Que mon âge commence à s'avancer. Ya kwamba miaka yangu inaongezeka. Mais si vous regardez le mort à 56 ans. Ukiangalia alikufa na miaka 56. Tellement qu'il avait le poids du message. Sa vie alikuwa na bujito bonjour. Il apparaît comme un vieillard. Alléluia! C'était une grande responsabilité. Même nous ici, nous sommes trop jeunes. C'est le fait de crier. Mambo kulalamika, lalamika. Faire comme ça. Vous prêcher, ce n'est pas moindre chose. Mambo teke teke. Quand vous dormez, nous wakati on dort pas. Mimi shilale. Tu dors, tu ronfles. Unalala, votre pasteur là ne dort pas. Pasteur wenu ya shilalake. On a d'insomnie, Dieu est nous moyen. C'est pourquoi ayez quand même du respect pour les hommes de Dieu. Dites amen. Amen. Ayez quand même du respect. Puisque tu n'as pas tu n'as pas auto oublié. Ainsi, on te mettait ici, tu ne sauras pas prêcher. Amen. Douglas. Viens nous prêcher. Si vous n'avez pas français. Vous connaissez pas les français. Kubiri aina français. Prêcher c'est pas connaître les français. C'est transmettre l'esprit. Ni kupele karo. C'est transmettre la vie. Ni kupele kabuji. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Branham dit. Donc Branham asema. Il faisait des lignes de prière. Aroa kona umbea bagonjwa anachoka. Il dort fatigué. Analala mwenye kuchoka. Il se lève fatigué. Analamka wa kuchoka. Ah. Les poumons qui font mal. Ma foi, inauma. Tout le corps. Mwili yote na luma. Prêcher la parole. Kuhubiri neno la Mungu. Il dit. Anasema. Je prends de l'âge. Ninazeka. Je sens. Nikunasikia. Que mes jours raccourcissent. Ya kwamba masiku yangu inakuwa kidogo pa dunia. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu sentait. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaisikia. Il sentait qu'il fait partie. Alikuwa anasikia sema. Maana il dit. Sasa anasema. Comme mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus que jamais. Église, avancez sans relâche. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre. Partout nous allons annoncer le message. Dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est Dieu et il vient bientôt. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde que la venue du Seigneur. Alléluia. Kubakia tena tumaini ingine mu dunia au isipokuwa kurudi kwa Bwana. Mais ton Jésus à toi là est déjà venu. Branham en 65. Branham 1965. Branham au Canis. Avancé. Musongembele. Et moi aussi j'écris. Namina la la la. Écris de Kambove. Ne reculez pas. Avancé. Musongembele. Car Jésus revient bientôt. C'est ça nos seules espérances. Dieu tu m'as dit tu m'as dit tout. Ça, c'est Wayne Abraham, Nana Nassema Gwell. Toi, Abraham, qui dit vrai? Tu n'as pas seulement compris. Ah, oui, oui, tout, qui, tout. Que ça, c'était l'apparition. Ya, quand, il est, quoi, c'était quoi, pas la vie. Ah, écoute, quoi, courou, dit. Prenons l'exemple. Tu, tu, quoi, moufano. Comme je suis ici. Ville Nikwap. Amen. Amen. Je me fais photographier. Banani Bamba Picha. Je prends la photo, j'envoie à Monique à Kalenda. Mina Beba Picha Yangu, Mina Tumbia Monique au Kalenda. Monique commence à crier. Monique Nazo la Lamika. Oh, on a pika bikelegele. Chéri est venu. Oh, on pendo anakuya. Maradie. Oh, il est venu. Sifa kwa bwana anakuja. Les anciens viennent. Wazee wanakuya. Où est notre berger? Mchungaji wetu yuko wapi? Les diacres viennent. Bashemashi wako. Où est notre pasteur? Pasteur wetu yuko wapi? Il dit attendez. Asa mchungi. Il est dans le téléphone. Eko mu téléphone. Je vais vous montrer son visage. Tamonesha uso yake. Est-ce que c'est ça ma venue? Eti njo kurudi kwangu kule? Jésus s'est laissé photographier dans cet âge pour stimuler notre espérance. Yesu aliachilia bango. Alléluia! Nous n'attendons pas un esprit. Nous n'attendons pas une photo. Nous attendons un homme. Atuchunge les anges ont dit aux disciples, c'est Jésus. Qui a levé du milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu là au ciel. Acclamé pour les rois des rois. Amen. C'est ça notre espérance. Alléluia. Amen. Il y a encore une chose qui dérange les gens. Les gens ne comprennent pas que Jésus, il a trois triples natures. Musema, amen. Amen. C'est ce qui a compliqué les gens. Mais nous, nous sommes heureux. Je voulais seulement que vous sentez que vous êtes un peuple heureux. C'est pas question d'argent. Vous êtes un peuple béni. Ces choses, frère. Il y a les gens qui adorent Branham. Il y a tout un médecin connu, un spécialiste, mais branhamiste, il adore Branham. Huku bantu beko na mwabudu Branham kule kwetu huku munganga tu wa kabaila lakini huku na mwabudu Branham. Alléluia. Amen. Mais vous, alakini moi. Peut-être tu n'as pas un certificat. Ça singina ukupata ta certificat. C'est là que je comprends, frère. Je parle niku naelewa nduku Joseph. Les affaires de Dieu ce ne sont pas les problèmes des études. Mambo ya Mungu haina mambo ya kufunda mingi. Laissez-nous déranger avec tes diplômes. Moi, je touche dans ma diplôme et nous il est. Dans les domaines de révélation, c'est Dieu qui révèle sa parole. Alléluia. Laissez vos diplômes là. Moi, je mets ma diplôme et nous couler. Ne nous dérangez pas. Moi, je touche dans bio. La révélation, c'est Dieu qui donne. Ufunuo, Mungu, Dieu qu'on a il est là. Ce docteur là, il dit qu'il est branhamiste. Anasema yeni abudua ka Branham. Anasema. Branham c'est le dieu de l'Ouest. Branham ni Mungu wa kumbangaribi. Il y a le Dieu de l'Est, c'est Jésus. Je lui dis, même toi, est-ce que dans un jour il y a deux soleils? Non. C'est le même soleil qui se lève à l'Est. C'est le même soleil qui se couche à l'Ouest. Le même Jésus qui a été prêché par les apôtres. C'est le même Jésus que William Branham a prêché. Dans sa connaissance. Frère Branham. Duke Branham. N'est pas un Dieu à écouter. Ana Mungu wa kusikia. Oh, il y a un Dieu à écouter. Oh, kuku Mungu wa kusikia. Un autre Dieu à adorer. Mungu mwingine wa kuabudu. Mais c'est faux. Ni bia bongo. Le même Dieu. Mungu moya moya. Est digne d'être écouté. Anastahili tumusikie. Le même Dieu. Paka Mungu moya moya ule. Adoré. Anastahili tumusikie. Alléluia. Amen. À la montagne de la transfiguration. Mulima kubadilika. La voix est sortie, la dit écoutez-le. Sauti lisemba. Mumusikie. Alléluia. Amen. Et dans l'île de Patmos. Mukisanga Patmos. Yohana alisema. Ne m'adore pas. Musiniabudu. L'ange qui donnait la révélation. Malaika ule alikuwa anampatia. Ne m'adore pas. Adore Dieu. Usiniabudu mimi na wabudu. Je suis ton compagnon de service. C'est la vérité, frère. Est-ce que l'église est là? Je vous dis au nom de Jésus. Ne comparez jamais le nom de Jésus avec celui de Branham. Je le dis avec force. Frère, toute la famille au ciel porte le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus. Frère, un jour, le Seigneur a permis que frère Branham expérimente la puissance du nom de Jésus. Quand je le cite, je crois que les démons sont en fuite déjà. Frère, William Branham. Est entré dans une maison où les sorciers faisaient leurs enchantements. Et les sorciers, qu'est-ce qu'ils avaient fait? En Allemagne, ils avaient pris une table. Ils ont jeté dans l'air. La table est restée suspendue. Ils ont mis la guitare. La guitare seule en train de jouer. Guitare yenye inaanza kuimba. Et la table en train de danser. Na ile meza inacheza mumpepo. Quand la guitare joue. Wakati guitare la imba. Table danse. Na ile meza inacheza mumpepo. Alléluia. Amen. La guitare joue. La table danse. Na imba ile meza inacheza mumpepo. Les sorciers là. Bale balozi bale. Avec leur plume ici. Na mnyonya yao mkichwa. Ils avaient leur titre Père, Fils, Saint-Esprit. Barikuwa na picha yao titre yao Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Frère. Duku. Ils ont dit qui peut relever les défis. Wakamwambia ni nani atapinganisha hii. Branham a dit moi. Branham kasema mie. Branham a regardé la table. Branham akangalia ile meza iko nacheza mumpepo. Il a dit. Akasema. Oh non, qui peut. Mujina la Baba. Qui fils. Ya Mwana. Et du Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Toi table. We meza. Tombe. Anguka. La table refuse. Meza kakatala kuanguka. En train de danser. Iko pa anacheza mumpepo. Kwa table. Wewe meza. Au nom de la Sainte Église. Mujina takati. Takatifu. La table en train de danser. Meza kupaka naendelea. Au nom de Branham. Mujina Branham. Pamba. Wewe meza. La table en train de danser. Meza inaendelea kucheza mumpepo. William Branham rekile mpe. William Branham akarudi. Mambo yanakuwa ngufu. Asa devient difficile. Kwa table. Wewe meza. Dans le nom. Mujina. Tout puissant. Ya uwezo wote. Du Seigneur. Ya Bwana. Jésus-Christ tombe et la table est tombée. La table s'est cassée. Alléluia. Amen. Même ce matin, Atasubuya. Que toutes les tables de difficulté tombent. Que toutes les tables de maladie tombent. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Le nom de Jésus, c'est le nom tout puissant. Branham a expérimenté. Il a dit vraiment, le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu de ça, mal écoutez. Il nous appelle au rendez-vous. Précis et nom de Jésus. Jésus bénissant. Jésus au merveille. Zawadi ya Gabaila Damani supreme rason Yesu sadaka ya juu wabudiwe milele na milele. Ule demon de maladie, ma demon na magonjwa, ule demon de problème, ma demon au nom de Jésus tombe aujourd'hui et la victoire rentre dans le camp des enfants de Dieu. Ingie, kukambi ya batoto ya Mungu. Dites que je suis libre. Sema kwamba na kwa uru. Tu es béni. Alléluia. Que le nom de Jésus. Sa puissance vous accompagne même dans vos maisons. Que le nom de Jésus bénisse vos travaux. Que le nom de Jésus bénisse vos études. Que le nom de Jésus bénisse vos projets. C'est un merveilleux nom. C'est pourquoi moi je ne suis pas branhamiste. Je le laisserai jamais. Et cette église, vous n'êtes pas des branhamistes. Vous êtes des chrétiens authentiques et bibliques. Mais nous croyons que dans cet âge, Dieu a parlé par un homme. C'est la vérité. Comment nous allons prêcher l'exode d'Israël sans parler de Moïse? Comment nous parlerons du déluge sans citer Noah? Comment nous pouvons prêcher le message sans citer William Branham? Et après le retour du Branham dans la maison, est-ce que Dieu s'est arrêté? Non. Comment on peut parler d'après Branham sans parler de Walde Frank? C'est comme ça. Même l'église de Kambove, on ne peut pas parler de Kambove sans citer Ngoindai. Pendant que je suis venu, je t'ai demandé la permission de la chair. Il y a quelqu'un que Dieu a établi ici. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas venir ici. Frère Douglas, frère Douglas m'a téléphoné en disant venez nous prêcher. Mais Douglas, je veux dire à Douglas, donne-nous ça. Il est le propriétaire. Oh, Kadis, il y a un frère, il est là-bas. De Dieu, il n'y a pas. Venez monter prêcher. Oh, nous tous, nous sommes frères. Il n'y a pas de bon. Nous sommes tous des frères. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu a donné des charges. C'est incontournable, frère. Incontournable. Comme nous sommes tous frères, j'ai demandé seulement à un frère Kabengele ici. Demandez à frère Kabengele qui vous accorde la chair. Demandez-lui la chair. Prêchez les choses dans Musimamo Muzuri. Ah, il y a même Kukosa Dabu qui s'infiltre. Et ça s'infiltre. Comme nous sommes tous frères. Oh, Tukubanduku Shibote. Que Dieu vous bénisse. On a un bariki. On a un goût de frère. Tu commences à s'appeler frère. Frère. Il ne comprend pas. Ah, Kouya, Karibu. Eko parmi les boubou quoi. Non, non. Kouya, Nduku, Banakuita. Karibia. Cet enfant, il est racheté par le sang. C'est un frère. Comment bonjour papa. Il m'appelle bonjour papa. Est-ce qu'il a commis un péché? Hein? Est-ce qu'il a tel qu'il est? Bonjour frère, tu l'es. Ah, ça c'est manque de discernement, bien tout frère. Il faut discerner les choses, mon frère. Ah, va t'asseoir, mon frère. Bonjour frère. Pas même s'arrêter. Comme nous sommes des frères tous. Et Shima, il a la zimisha, Ndani, Aneno, la Mungu. C'est ça que je prêche même là chez moi. Je n'ai pas honte de le dire. Vous dites amen. Amen. Croyez-vous que, au nom de Jésus, toutes les maladies aujourd'hui vous êtes libérées? Croyez-vous que, au nom de Jésus, partout vous poserez la plante de votre pied, Dieu vous l'a donné? Frère, mambo ya Mungu ni mambo ya imani. À parler de Dieu, c'est un problème de la foi. Hakuna cérémonie à faire, c'est le problème de la foi. Mambo imani. J'entre dans les bureaux. Je piétine ces bureaux. Au nom de Jésus-Christ. Tu auras la victoire. Je te dis la vérité. Toi qui as laissé la femme malade, tu vas les retrouver en bonne santé. À cause de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus a trois aspects. Yesu eko na ma, asili, premier aspect. Asili ya kwanza, Jésus Yesu et la parole. Ni neno. C'est ça la première nature de Jésus. Jésus est la parole. Qui croit ça? Et en tant que parole, ce matin il est ici. Qui croit que Jésus est ici? La parole que vous écoutez, c'est Jésus sous forme de la parole. Mon ami Ville. Le croyez-vous ainsi? Mon ami, le croyez-vous? Que cette parole c'est Jésus. Au commencement était la parole. Katika mwanzo ilikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Deuxième aspect. Asili ya pili. Jésus. Yesu. Un aspect spirituel. Eko na asili ya kiroho. Jésus c'est le Saint-Esprit. Yesu ni Roho Mtakatifu. Yo. Jésus est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Comment? Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous les croyants, vous me verrez. Moi Jésus. Vous les croyants, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et je serai en vous. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et ce matin, je le sens. Il est ici. Sous la forme de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Que Jésus est ici. Yesu, croyez-vous qu'il est ici? Il est le nom hier. Aujourd'hui, éternellement. Il est présent. C'est celui dont Branham disait. Je le sens. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Même moi, je le sens. Il est ici. Il est à côté de toi. Il est le consolateur. Aujourd'hui, que ce Jésus te console. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire gloire à Dieu? Il console. Il est présent. Et quoi pas? Sous la forme de la parole. Il est présent. Et quoi pas? Sous la forme de l'esprit. Il est présent. Et quoi pas? Vous dites amen? Amen. Qui a cru ça? Nanu la ramini ville. Voilà les deux formes. Joma asilimbili. L'esprit. Ro. Et la parole. Naneno. C'est Jésus. Ni Yesu. Dans son église. Mukanisa yake. En train de bâtir son église. Eko na jenga kanisa yake. Par la parole. Kupitia neno. Et par son esprit. Na kupitia ro yake. Voilà les deux deniers Joma, que l'hôtelier a laissé à l'hôtellerie. Joma, denadi mbili, ile, et le bon samaritain. Vous connaissez le problème du bon samaritain? Munayua, Samaria mwema. Un bon samaritain a trouvé Aripata, que l'homme l'a été battu. Ule mutu bali mpiga. Il était cloué par terre. Le sang gigilé. Damu ilikuwa na mwangika. Tout le monde passait. Bote barikuwa na pita. Les patriarches passaient. Baba. Mais quand le bon samaritain est arrivé, wakati mu Samaria mwema le bon samaritain s'est approché. Ule mu Samaria mwema alikaribia. Alléluia. Amen. Il a nettoyé le blé. Arisafisha vidonda. Il a nettoyé les blessures. Mais il devait faire un voyage. Pas oh, le Dieu de ce message est merveilleux. Oh, ni il a dit, je ne peux pas laisser cet homme que j'ai sauvé. Une mire je l'amène à l'hôtellerie. J'ai l'hôtellerie. J'ai déjà fait le nécessaire. Je te laisse la raison. Je te donne des deniers. Je te laisse combien? Na kwacha ifeza ngapi? Prends soin de lui. Umwangaikie. Jusqu'à mourir. Tufika na pale nitarudia. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Ndio ile Yesu alifanya. Jésus-Christ. Yesu-Christ. Et le bon samaritain. Samaria mwema. Les démons, les diables nous avaient liés, tourmentés. Nous étions des voleurs, des prostituées, des pécheurs. Jésus est venu à notre secours. Alléluia. Amen. Moïse est arrivé. Moïse est passé. Esaïe est passé. Des sacrifices sont passés. Même Branham est passé. Mais quand Jésus est arrivé, l'homme de Galilée, il a eu compassion de nous. Alléluia. Et au calvaire, il a crié. Tout est accompli. Il a payé le prix. Alléluia. Il est allé au ciel. Il a laissé les rachetés sur la terre. Maintenant, il ne les a pas laissés aller. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et le berger, son rôle, ce n'est pas de distribuer l'argent aux gens. Alléluia. Amen. Mais son rôle, c'est de gérer le peuple, de racheter du Seigneur, avec dédaigner la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, les salis et la guérison divine. Amen. Et aujourd'hui, l'Église est gérée de cette manière jusqu'au retour du Seigneur. Et quand il viendra, il nous payera. C'est ici. Dieu va payer. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église peut acclamer? Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus, comme, Yesu, comme parole, waneno, il est avec nous. Si Jésus, comme, Yesu, comme Saint-Esprit, il est avec nous. Mais quel Jésus attendons-nous? À la seconde venue, nous attendons Jésus physique. Yesu, le même qui est parti, il reviendra de la même manière. Il n'était pas parti la parole. Neno, il n'était pas parti l'esprit. Ro, c'était un homme. Jésus-Christ, l'homme Jésus, Mutu Yesu, le Fils de Dieu, wa Mungu, en tant que Fils de Dieu, wa Mungu, il est venu sur cette terre. Alikuja pa hii dunia.